Le 14 août, le porte-parole du Comité Nord pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin a rendu publique une communication qui note, entre autres, « Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora se sont engagés farouchement dans la lutte sacrée anti-américaine avec la grande indignation envers la frénésie de guerre téméraire des impérialistes américains et des bellicistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, tendant à appeler le cataclysme de guerre nucléaire sur ce territoire. » Les formations de divers milieux sud-coréens, notamment le Comité Sud pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin et le Comité de promotion de l'action de paix pan-nationale 15 août pour le recouvrement de la souveraineté et la réalisation de la paix dans la péninsule coréenne, envisagent de tenir le 15 août solennellement à Séoul le Rassemblement national pour la réunification et les rassemblements pan-nationaux revendiquant vertement le recouvrement de la souveraineté enlevée par les États-Unis, l'arrêt des simulacres de guerre nucléaire contre le Nord et la sauvegarde de la paix dans la péninsule coréenne. Les différents milieux sud-coréens accusent les États-Unis d'auteur de la division nationale et de l'agression, appelant une guerre nucléaire sur ce territoire et expriment la ferme volonté de lutter dynamiquement pour déjouer les sanctions anti-nord-coréennes, la disposition de SAD, les manœuvres militaires conjointes Aussie Freedom Guardian et tous les autres actes hostiles militaires perturbant la paix de la péninsule coréenne. Le Comité d'Outre-mer pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin et autres compatriotes coréens de la diaspora aussi se sont engagés dans la lutte pan-nationale contre la frénésie de provocation de l'administration Trump, prétendant de perpétrer la guerre et la résolution de sanctions injustes de l'ONU contre la Corée du Nord. Si le 15 août du passé a mis un terme à la domination coloniale de l'impérialisme japonais, le 15 août d'aujourd'hui se développe pour l'anti-américanisme visant à défendre la souveraineté et le droit à l'existence de la nation. Le Comité Nord pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin adresse du soutien et de la solidarité absolue à la population sud-coréenne et aux compatriotes d'outre-mer engagés dans la lutte sacrée anti-américaine de justice pour sauvegarder la dignité indépendante nationale, réaliser la paix durable de la péninsule coréenne et ouvrir une nouvelle époque de la réunification indépendante. Cette année marque le 72e anniversaire de la libération de la patrie. Mais les vivas de la libération nationale ne sont pas continués à la joie de la réunification nationale jusqu'à présent. C'est tout à fait à cause de l'occupation des États-Unis en Corée du Sud et de leur politique d'hostilité contre notre République. Si les États-Unis parlent d'une guerre et d'une attaque préventive contre le Nord et incitent les fanas de guerre sud-coréens à la provocation de guerre, ce n'est pas pour défendre la Corée du Sud. Leur démarche est la révélation de l'ambition sournoise des colonialistes américains de provoquer une nouvelle guerre dans la péninsule coréenne pour exterminer nos compatriotes et transformer toute la péninsule en point d'appui pour réaliser leur stratégie d'hégémonie au nord-est asiatique. Si les États-Unis ont adopté jusqu'à la résolution de sanctions de l'ONU sans précédent contre la République populaire démocratique de Corée en mettant en cause la mesure juste et autodéfensive de renforcement des forces armées nucléaires de notre République pour défendre la souveraineté et la sécurité de la nation, c'est pour semer la méfiance, la discorde au sein de la nation et favoriser l'hostilité et la confrontation en vue d'empêcher la réconciliation et la cohésion nationale et la réunification indépendante du pays. Qu'importe que la péninsule coréenne soit transformée en champ d'une guerre nucléaire et que des dizaines de mille Coréens soient tués. Voilà la manière de penser des cannibales américains qui montrent le caractère agressif éternel des Yankees. Les impérialistes américains sont les ennemis jurés qui ont divisé notre nation, qui menacent à l'extrême la souveraineté de nos compatriotes, leur droit à l'existence et leur coprospérité, et qui empêchent par tous les moyens la réunification de la patrie, vœu suprême de la nation. L'époque marquée par l'idéal entre notre nation apprend cette vérité. La réconciliation et la cohésion authentique de la nation ne sont pas simplement pour des visites à travers la ligne de démarcation militaire et une collaboration. Elles ne seront possibles que quand toute la nation porte haut le drapeau de l'indépendance anti-américaine et détruit la muraille de la division et sera réalisée la réunification. Livrer une lutte acharnée contre l'impérialisme américain pour la paix de la péninsule coréenne, la sécurité de la nation et une nouvelle époque de la réunification et de la prospérité, et remporter la victoire finale, voilà la volonté invariable de notre nation. Si l'on suit les États-Unis et leur politique d'hostilité à l'égard de la Corée, produit de leur politique de discorde nationale, ni la paix de la péninsule coréenne, ni l'amélioration des rapports intercoréens ne seront possibles. Par la lutte sacrée anti-américaine, toute la nation fera payer à tout prix tous les crimes commis par l'impérialisme américain contre notre nation et les démarches fanatiques des autorités sud-coréennes, troupes de choc et des monnaies américaines pour isoler et étouffer la République populaire démocratique de Corée. Tous les milieux du Nord, du Sud et de la diaspora doivent s'unir sous la bannière « Entre nous les Coréens » pour engager vaillamment la lutte sacrée et colossale contre les États-Unis afin de repousser résolument les menées de guerre nucléaire contre le Nord des États-Unis et de réaliser le plus tôt possible la réunification indépendante de la patrie.